Exercice 7, page 72. Virelangue. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui vole un œuf, vole un bœuf.